face à toi, je pense au raté. J'ai un mélange à remettre en frais. La douleur, le respect. Tellement de choses, tellement de drames, tellement de larmes ont coulé. Trop de dons fait couler. Tellement de choses, tellement de drames, tellement de larmes ont coulé. Je tiens dans la page. Je tiens dans la page. Là, je suis trop ivre, mais cette chose, ça s'en verra encore. Je tiens dans la page. Je tiens dans la page. Là, je suis trop ivre, mais cette chose, ça s'en verra encore. Je tiens dans la page. Je tiens dans la page. Je suis trop ému, mais c'est que dalle, ça fait un pas. Je suis trop ému, mais c'est que dalle, ça fait un pas. J'ai des biscuits, mais les villes ici me galèrent encore. Certains ont perdu la raison à la vue de ton corps, à la vue de mon arme. Calme-toi, je vais pas réussir, je cherche le livre des lits. Jump, t'es pas des nous, j'utilise mon gueule. Ça fait un bail que t'es banni du squat. Les Savastan ont débarqué chez Watt. Pay, litron sur litron écoulé. Où tes volets finissent troués. Le fric t'emmène au pouvoir et tu le sais. J'suis dans le bendo, j'fais que tousser. À l'hôtel, au moins, du coup, je lui mets. Le même quotidien dans mon quartier. Toujours aussi obscur et mon côté. J'reviens bientôt, tout peut recommencer. J'oublie tes paroles, mais tu n'es toujours pas là. J'oublie tes paroles, mais tu n'es toujours pas là. J'te vois comme un ennemi sur un terrain vague. J'te vois comme un ennemi sur un terrain. Je t'aime dans la paix. Je t'aime dans la paix. Là, j'suis trop hit, mais cette chose d'âge, ça fait encore. Je t'aime dans la paix. Je t'aime dans la paix. Là, j'suis trop hit, mais cette chose d'âge, ça fait encore. Je t'aime dans la paix. Je t'aime dans la paix. Là, j'suis trop hit, mais cette chose d'âge, ça fait encore. Là, j'suis trop hit, mais cette chose d'âge, ça fait encore. J'ai des biscuits, mais les vies ici me veulent encore. On vit, on dirait, ils savent ce qu'il est coffre. Des bières toujours entassées dans mon froid. Je grimpe, grimpe dans la paix. Tellement de choses, tu es avec Bozo ou Sama le chat. Le rat est ton comme le corps à Pamela. Jamais dans le frigo quand je finis de cooker ça. Faut qu'à mon bénéf, même quand je suis dans ses bras. On passe du meilleur gras au kilo. De je te protège mon refrain à bang bang. De je te protège mon refrain à bang bang. Cette chaudasse me dit qu'elle m'aime. Moi j'ai trop d'amour pour mon gang. J'oublie tes paroles et tu es toujours pas là. J'oublie tes paroles et tu es toujours pas là. Je te vois comme un ennemi sur un terrain vague. Je te vois comme un ennemi sur un terrain. Je t'aime dans la poche. Je t'aime dans la poche. Là, je suis trop ivre, mais cette chose d'âge s'en verra encore. Je t'aime dans la poche. Je t'aime dans la poche. Là, je suis trop ivre, mais cette chose d'âge s'en verra encore. Je t'aime dans la poche. Je t'aime dans la poche. Là, je suis trop ivre, mais cette chose d'âge s'en verra encore. Je suis trop ivre, mais cette chose d'âge s'en verra encore. J'ai des biscuits, mais les biscuits me veulent encore. Je t'aime dans la poche. Je t'aime dans la poche. Je suis trop ivre, mais cette chose d'âge s'en verra encore.